On va parler avec Alexandra Larousse. Les Jeux du Québec commencent en fin de semaine à Québec. Et question de savoir un peu comment ça va. On parle avec Alexandra Larousse qui s'en fait le chef de mission. On va lui parler encore une fois, peut-être moins de façon régulière, parce que je pense qu'il y a des difficultés. Il y a peut-être des difficultés de recrutement. On lui parle. C'est là, Alexandra? Oui, bonjour Dan. Alexandra, effectivement, on va te parler un petit peu moins souvent, pas parce qu'on veut pas te parler, c'est parce que je pense que pour toi, ça va être plus difficile que les autres années, hein? Non, c'est en plein ça. Au niveau des communications, c'est sûr qu'on va essayer d'être à jour. Donc, c'est sûr que on va essayer d'avoir surtout des journées là que c'est la fin des blocs, comme ça on va pouvoir faire plus un topo des journées qui viennent de passer. Mais on va essayer d'avoir quand même une bonne communication avec notre région là cette année sans problème. Okay. Comment ça va maintenant? Est-ce que pour cette année, c'est quoi les prévisions? On a des bonnes prévisions. C'est sûr qu'on a des sports là qui ressortent du lot. Si tu veux, je peux m'avancer un petit peu sur les sports qui sont à surveiller. On a le bloc 1, une compétition du 2 au 5 mars, qu'on a notamment le biathlon. Le biathlon qui est nouvellement aux Jeux du Québec cette année. C'est la première fois là qu'ils sont aux Jeux du Québec depuis bien des années. On a une bonne base là dans la région, surtout grâce au corps de Québec. Donc, on a quand même plusieurs jeunes qui le pratiquent. Au bloc 2 de compétition du 6 au 9 mars, là, on a le judo, patinage de vitesse. Normalement, on a des bons résultats. On a peut-être notre curling féminin masculin. Ça avait tenu quand même là il y a 2 ans. Donc, c'est à suivre là, également. OK. Dis-moi, il y a des athlètes de Dolbeau-Missassini. Il y a pas mal d'athlètes du Haut-du-Lac qui vont participer là également, hein? Oui, quand même. Oui, on a toujours un bon bassin. Là, on en a également chez Bougamo qui viennent nous rejoindre aussi pour notre région. De Boumstasny, dans le Haut-du-Lac, là, on a des bons représentants. OK. Dis-moi, du côté des... Y a-tu un objectif de médaille? Je te dirais qu'avec les nouvelles applications qui est le 12 à 17 ans, maintenant les athlètes sont obligés d'avoir entre 12 et 17 ans. Okay. Et il y a également le critère espoir à les obtenir. On a des résultats de médailles qui apparaissaient les années passées, mais je ne vais pas nécessairement m'avancer vu que les deux critères ont apparu cet été. On a quand même eu une petite baisse au niveau des médailles, mais d'après moi, on devrait avoir quand même des bons résultats, là, surtout au niveau du bloc 2. OK. Au hockey, c'est l'équipe du hockey de sélection, c'est qui représente, hein? Hockey masculin, hockey féminin, ça a été choisi là, au travers de la région. On a plusieurs athlètes, là, c'est assez varié comme athlète. C'est au niveau Bam-Tam, là, donc c'est assez varié là, comme les athlètes qui ont été sélectionnés. OK. Parle-moi maintenant du côté le fait que c'est à Québec. Est-ce que c'est plus facilitant encore? C'est quand même très, très près de la région? C'est sûr que ça ça facilite là au niveau du transport. On peut arriver un petit peu plus tard, donc partir un petit peu plus tard en région. Donc nos athlètes n'ont pas besoin de se lever trop tôt, exemple demain matin pour prendre le transport. Ça donne une petite chance. Puis au niveau aussi de nos soutiens, on parle de parents, de grands-parents. D'après moi, on va quand même avoir un bon bassin là qui va venir encourager nos athlètes. Pas comme il y a 2 ans à Alma, bien sûr, mais d'après moi, là, ça devrait être quand même assez intéressant là, comme ambiance. OK. Donc, on se reparle tout au long de la saison. Donc, on va se parler 2 fois au moins minimum durant les Jeux du Québec. Puis, c'est certain, oui, okay. Vous donnez un bon topo, surtout dans les fins de blocs de compétition, là, ça peut être intéressant, oui. Puis on va suivre ça. Oui, parfait. Alexandra Larousse, qui est la chef de mission de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va participer aux Jeux du Québec en fin de semaine, qui débute à Québec.